Hey, I can't find that on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes, l'émission qui parle de radio sur fréquence protestante durant trois quarts d'heure et du parcours radiophonique de ceux qui nous accompagnent de l'autre côté du poste et qui façonnent la radio. Et pour cette 58e mécanique, c'est un invité dont le nom se rapproche du mot soleil que je reçois. Le soleil, justement, il en est question à Monaco, d'où est originaire la radio sur laquelle on l'écoute depuis trois décennies, RMC, et dans laquelle il nous réveille actuellement le week-end sur la tranche de Jean-Jacques Bourdin. Mais mon invité ne parle pas info et politique. Lui, ses sujets, c'est plutôt voiture, jardin, animaux, bricolage, mais aussi et surtout technologie, parce que oui, il est très connecté. Mon invité se nomme François Sorel, bienvenue. Bonjour Eddy, je suis ravi d'être là, merci de m'inviter. Alors c'est vrai que quand on vous écoute le week-end sur RMC, c'est pas le même ton qu'en semaine chez Bourdin, c'est sûr. Ah bah non, ça c'est clair. Bah Jean-Jacques, lui, c'est l'actu, ça va être la polémique, ça va être la politique, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte, notamment sur RMC, que le samedi et dimanche, il fallait être un petit peu plus, un petit peu plus léger, moins anxiogène, et parce que c'est le week-end, parce que je pense que les gens, tout au long de la semaine, ont peut-être, au bout d'un moment, marre de subir l'actualité, qui, en ce moment, est pratiquement tout le temps, est assez lourde. Donc nous, le week-end, c'est carrément une autre ambiance. On est sur du réveil, on va dire, avec une bienveillance, du loisir, effectivement, jardin, maison, vie numérique, automobile et santé aussi. Et donc voilà, c'est différent. Mais les auditeurs ont bien, je pense, fait le distinguo entre la semaine et le week-end. Et puis alors, écoute, on touche du bois, je sais pas, il y a du bois dans ce studio. Oui, c'est dessous, c'est du bois, voilà. Ça a l'air de marcher aussi le week-end, donc tant mieux. Parfait. Et on salue Jean-Jacques Bourdin s'il nous écoute. Il est venu dans cette émission, il c'est a parlé vrai. À votre micro. Ouais, ah exactement, oui, ouais. Jean-Jacques. Il y a quelques années. On le salue, c'est un ami Jean-Jacques, bien sûr. Alors on va commencer par le commencement. François, vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Il faudrait savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Mais bien sûr, évidemment. Mais alors moi je suis un pur produit de la radio FM en fait. Parce que j'ai 49 ans. J'ai donc... en fait, découvert la radio des années 80 et surtout les radios associatives. Et alors, j'ai grandi en Corse, mais je suis arrivé très vite à Marseille. Et donc, aux environs des 15 ans, 16 ans, j'étais à Marseille et j'ai commencé ma carrière radiophonique à Marseille, dans une radio qui s'appelait Radio Méditerranée, qui était une petite radio associative. Voilà, donc j'ai beaucoup d'affection et de respect pour les radios associatives. Et alors, à cette époque, justement, est-ce que, quand vous arriviez à Marseille, vous écoutiez vraiment tout ce qu'il y avait niveau radio dans le coin? Vous alliez frapper aux portes, visiter les studios? Bah en fait, j'étais, comme souvent, quand on fait ce métier, c'est une espèce de vocation. C'est-à-dire que moi, dès le départ, j'étais petit, j'étais fasciné par les ondes et par la musique, en fait. Et je m'enregistrais sur des petits magnétocassettes, je faisais des blagues à ma mère, je lui faisais croire que j'étais dans une pièce, alors je faisais tourner une bande, enfin, je faisais des trucs comme ça. J'étais assez gaffeur quand même à l'époque, mais j'aimais bien la technique, et j'aimais bien parler dans un micro, j'aimais bien écouter la musique, etc. Et je sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas, mais tout ça est arrivé très vite. Et quand je suis arrivé à Marseille et que j'ai vu la multiplication de ces radios, je me suis dit, ben tiens, allez, prends ton courage à deux mains appelle. Et j'ai appelé une radio que j'écoutais beaucoup. Je suis tombé sur un gars très sympa qui m'a dit, ben écoute, tu sais quoi, tu viens le week-end prochain, viens avec tes disques. Et je suis venu avec mes disques et j'ai commencé à faire de la radio. Directement. Ouais. C'était pas joli, hein, mais bon. Ouais, c'est le début. Il faut bien commencer. Début, hein. Voilà. J'avais 15 ans, je parlais un peu comme ça, voilà, c'est sympa et tout. Ben, fait bon. Mais alors, quel type d'émission vous faisiez alors Parce que l'émission musicale, je pense que c'était peut-être aussi spécifique. Ouais, bon, c'était. Bah, déjà, on venait avec ses disques, donc c'était un peu particulier quand même. Hein. À l'époque, c'était les vinyles quand même. Il dit, t'as pas connu ça, toi, les vinyles? T'es trop jeune. Quelques-uns, mais ça revient le vinyle en ouais, ce moment. Ouais, mais ça revient. Mais nous, à l'époque, il y avait que ça. Il y avait que ça. Et donc, je venais avec ma pile de disques sous le bras, et on parlait. Qu'est-ce que je raconte? Je sais pas trop. Je pense qu'au bout d'un certain temps, j'ai commencé à faire le hit parade. Ouais. Le fameux hit parade. Et puis voilà, c'était. Je faisais ça parallèlement à mes études, en fait, parce que j'adorais la radio. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes dents, on va dire. Mmh. J'avais quoi, 16 ans? Et vos études, justement, est-ce que le choix de vos études par la suite, la radio vous a un peu guidé par rapport à vos choix? Alors moi, je suis un peu autodidacte. J'ai pas fait énormément d'études. J'ai eu mon bac, après j'ai fait un BTS. Mais finalement, je me suis rendu compte très vite que la radio me fascinait tellement que après mon BTS, j'ai complètement arrêté. Et j'ai commencé à travailler sérieusement dans la radio. Après Radio Méditerranée, j'ai fait une autre radio à Marseille qui s'appelait Radio Star, qui existe toujours d'ailleurs, qui est une grosse radio commerciale, qui à l'époque était, on va dire, un peu le Graal. C'était une grosse radio. Et là, j'ai commencé à être payé, en fait. Donc je suis très vite passé du, on va dire, de la radio en dilettante comme ça le week-end sur Radio Méditerranée, une grosse radio, Radio Star. J'avais 18 ans. Alors parallèlement, je faisais mes études, mais je voyais très bien que mes études, c'était vraiment pour faire plaisir à mes parents, mais j'étais fou de radio et je savais que j'allais terminer là-dedans. Et puis finalement, bon, j'ai bien fait parce que après j'ai pu rentrer à RMC. Alors justement, RMC, donc, qui était à Monaco à l'époque. Ouais. Comment vous arrivez dans cette radio? Parce que c'est quand même Radio Star, vous disiez, c'était le Graal. Mmh. Radio Monte Carlo, là, c'est vraiment le cran au-dessus. Ouais, mais en fait, je pense que ce métier qui est un peu particulier, c'est toujours la somme du travail et de la passion. Parce que, en fait, quand on fait de la radio, et tu dois le savoir aussi bien que moi, tu comptes pas les heures, tu fais ça, voilà, tout le temps, parce que c'est quelque chose que tu affectionnes particulièrement. Et je pense que c'est aussi le hasard, des rencontres et, il y a des moments où le destin te sourit et je pense que moi c'est ce qui s'est passé. J'étais parallèlement à mes débuts à Radio Star, j'entends à RMC que on faisait aussi des concours radio. À RMC on faisait ça à l'époque. C'est-à-dire que tu te retrouvais sur la Canebière à Marseille, ils avaient des locaux et on se retrouvait. Alors il fallait envoyer une cassette et après tu passais des étapes si tu veux éliminatoires, etc., etc. Et, maquettes, non, c'est ça, sur ouais, des maquettes, ouais. Voilà. Et je suis rentré comme ça donc à RMC, mais à l'époque c'était pas RMC National, c'était RMC Côte d'Azur. C'était une filiale d'RMC qui était une radio pour les jeunes. Parce qu'à l'époque, j'avais quoi? J'avais 20 ans. Et donc, je suis rentré pour cette radio-là. D'accord. Alors, vous faites bien d'en parler, parce que c'est vrai que moi, je connais deux noms, mais c'est vrai qu'on trouve très peu d'infos sur cette RMC-là sur ouais, Internet. Bah, c'était RMC Rock, RMC Classique et RMC Côte d'Azur, donc ils mettaient en FM À la grande époque flamboyante d'RMC, il y avait plusieurs RMC. C'est-à-dire que c'était d'ailleurs une radio un peu... parce que maintenant, il y a plein de déclinaisons de radio qui existent. Tu prends Nostalgie, il y a des dizaines et des dizaines de Nostalgie différentes sur le web. Et je pense que c'était une bonne idée de décliner les formats. Mais à l'époque, en FM, tu avais donc RMC, qui était aussi en grandes ondes, donc qui était le vaisseau amiral. Et tu avais de petites radios qui étaient tout autour. Donc tu avais RMC Classique, RMC Côte d'Azur, je crois qu'il y avait RMC Rock aussi. Oui, exactement. Voilà. Et donc moi, j'ai été embauché à RMC Côte d'Azur, qui était un énergie de l'époque et qui émettait de Menton, donc jusqu'à la frontière italienne, jusqu'à Marseille à peu près. Voilà. Et donc j'ai commencé comme ça à RMC. Mais ce que j'ai vite compris, c'est qu'en fait ces radios-là servaient aussi de vivier pour des jeunes animateurs qui après pouvaient passer à la grande radio, quoi, si tu veux. Donc tu vois, ils écoutaient beaucoup. Et un jour, moi j'ai été repéré par un certain Yves Mourouzi, qui était à l'époque le patron d'RMC. Et qui un jour m'appelle chez moi. Alors j'étais à Marseille, j'étais revenu le week-end, et puis d'un coup ma mère m'appelle. J'étais en train de jouer au tennis. Il y a pas de téléphone portable à l'époque, hein. Mm-hmm. Donc ma mère attend que je revienne de mon match de tennis et elle me dit, écoute, il y a la secrétaire d'Yves Mourouzi qui a appelé. Je dis ouais, d'accord, ok. C'était qui? C'était mon cousin? C'était quelqu'un qui faisait la blague? Mais en fait non, c'était la secrétaire de Mourouzi, et il fallait que je remonte sur Monaco très vite parce que en fait il voulait me voir. Et ils m'ont embauché, parce qu'ils m'avaient écouté. Voilà. Ça a dû vous impressionner de vous retrouver en face d'Yves Mourouzi, à cet âge-là. Oui, c'était assez impressionnant, parce qu'en plus, c'était un sacré personnage qu'on a tendance à oublier maintenant, et que les jeunes générations ne connaissent pas. Mais Yves Mourouzi, c'était quand même la star du 13h de TF1. Ça a été un excellent journaliste qui a croisé des plus grandes stars, à la fois politiques, mais aussi, on va dire, de la culture, du divertissement. Et effectivement, moi, quand j'ai été convoqué dans son bureau et que je vois Yves Mourouzi avec sa grosse voix comme ça, enfin, je sais pas si vous vous rappelez de Mourouzi, mais c'était quand même assez impressionnant. Et en fait, il m'a embauché. Voilà. Et j'ai commencé en 91 sur RMC. Donc là, vous aviez quel âge ? 91, j'avais 22. Et vous faisiez des émissions essentiellement musicales ? Oui, oui. Beaucoup d'émissions musicales. Alors j'ai commencé, des émissions musicales. Et je me souviendrai toujours, toute ma vie, de ma première émission radio, où j'étais dans un grand studio. J'avais pas l'habitude en plus, parce que là, c'était RMC, on avait des grands studios. Et de l'autre côté, j'avais Mourouzi, sa femme, et le patron le gars qui était avec Mourouzi, quoi. Et donc vous faites votre première émission de radio, vous appuyez sur le bouton et vous avez les trois personnes qui ont droit de vie ou de mort sur vous. C'était quand même impressionnant. Mais enfin, j'avais été mauvais, mais pas tant que ça, parce que ils m'ont gardé finalement. Donc comme quoi c'était totalement subjectif quand vous disiez être mauvais, on sait jamais, hein. Ouais, je pense qu'ils étaient surtout sourds. Alors justement, on a une archive justement qui est la toute première. Non, c'est pas vrai. Mais ça aurait été sympa de réentendre quand même, juste pour savourer un petit peu du RMC de l'époque. Ouais, mais il y a quelques sur le web, il y a quelques sites qui existent où on retrouve des vieux jingles, des vieux trucs. Ouais. Alors, qu'est-ce que François Sorel aurait pu passer comme disque aujourd'hui si RMC pouvait passer de la musique ? Eh bien, on a peut-être une petite idée, puisque François a fait les choix musicaux de cette émission. On va s'écouter le premier, qui est Adèle, avec un de ses grands succès, Hello. Pourquoi ce choix ? Je sais pas, j'aime beaucoup Adèle. Je trouve qu'elle a une très belle voix, je trouve qu'elle chante très bien. Je trouve qu'elle est plutôt... Elle a l'air d'avoir une vie aussi, parallèlement à sa carrière médiatique, qui a l'air normale. C'est une chanteuse normale qui a une voix exceptionnelle et j'aime beaucoup. Voilà. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Fréquence Protestante et la mécanique des ondes. François Sorel de RMC avec nous qui a partagé un petit Adèle. Hello. Ça mange pas de pain, hein? Pas du tout. Voilà. Non, ça en fait plus, du bien, elle est polie, elle dit hello pour commencer, donc ça va. Comme tous les bons animateurs radio qui commencent une émission. Voilà. C'est genre la chanson hommage. C'est ça. Alors, on retourne à RMC dans l'époque Radio Monte Carlo. Donc, vous le disiez juste avant, vous faisiez essentiellement des émissions musicales dans la grille d'RMC. Ouais. Moi, je voulais savoir, vous n'avez pas eu à ce moment-là d'autres envies d'émissions, vu que RMC est une radio généraliste, faire par exemple, je sais pas, une émission d'humour et de bande comme Julien Courbet a pu le faire à l'époque, par exemple? Alors, il se trouve que j'ai fait ça. En fait, après l'épisode Mourouzi, c'est Jean-Pierre Foucault qui avait repris RMC à l'époque et qui était le directeur de l'antenne, voilà, directeur des programmes. Et il m'avait collé avec les Chevaliers du Fiel. Ah d'accord. Et donc pendant deux ans, j'ai travaillé avec les Chevaliers du Fiel et qui sont passés sur RMC, on faisait une quotidienne. Et on allait enregistrer ça un peu partout en France. J'étais tout le temps dans les avions, j'étais tout le temps avec eux. Et j'en garde un bon souvenir. Et donc, c'était une émission d'humour. J'étais un peu l'animateur avec eux au milieu. Mais je sortais des bêtises aussi. Voilà, j'étais actif. Voilà. Ça changeait, ça vous faisait une expérience supplémentaire en plus. Là, vous sortiez du registre. Je passe des disques, j'annonce, ouais. Des annonces. Mais j'ai pas fait que ça. Après, en fait, j'ai fait un peu tout à RMC. J'ai fait aussi des émissions plus d'interviews où j'interviewais des chanteurs qui venaient comme ça. J'ai fait pas mal de jeux parce qu'en fait, je remplaçais Foucault quand il partait en vacances, je le remplaçais. Donc voilà, j'étais un peu le multicarte. Mais malgré tout, j'avais toujours cette passion de la musique et puis aussi les nouvelles techno qui commençaient déjà à arriver. On était quoi dans les fins des années 90, on commençait déjà à parler d'internet et voilà, ça commençait à me titiller tout ça. Alors justement, avant d'y venir, donc RMC, donc les amateurs de radio en tout cas le savent, RMC a eu une histoire très mouvementée, oui, dans les années 90. Oui, ça c'est clair. Vous avez donc connu tout ça, trois actionnaires différents. Ces changements-là, comment vous les avez vécus justement? En fait, il y a eu deux périodes, je dirais. Il y a eu la période avant Alain Veil et la période après Alain Veil. Donc la période avant Alain Veil, c'était pas terrible. C'est-à-dire que même si on avait des animateurs prestigieux, à l'époque, on avait Sabatier, Foucault, les Chevaliers du Fiel, il y avait plein de stars, hein, RMC. Mais en fait, c'était une radio qui arrivait pas à trouver sa place, en fait, et qui était souvent dirigée par des gens qui n'y comprenaient pas grand-chose, hein, en radio, il faut quand même l'avouer. Il y a eu une espèce de baisse inexorable de l'audience, qui nous faisait beaucoup de peine, hein, nous, ceux qui œuvraient pour tout ça. On voyait cette radio s'effondrer petit à petit, jusqu'au jour où, parce qu'en fait, au départ, la radio, RMC était une radio, j'allais dire d'État, mais en fait, elle appartenait à la Sofirad, qui était en fait une, comment dirais-je, une. C'était une société gérée par l'État. Gérée par l'État et qui était à la fois, qui appartenait à la fois à Sofirad et à RMC, à Monaco, pardon. Et puis, au bout d'un moment, la Sofirad a voulu arrêter les frais. Donc, ils ont vendu ça à Sud Radio. Voilà. Et donc là, ça a été aussi un peu compliqué parce que évidemment, quand Sud Radio est arrivé, il y a eu un gros plan de départ et puis surtout une espèce de remise en question du format. Donc on est passé à un format beaucoup plus musical qui a été un échec retentissant, voilà. Et puis donc Sud Radio a très vite voulu se séparer d'RMC. Et là, on est fin des années 90 et Énergie en fait rachète RMC. Je peux raconter l'histoire, hein. L'histoire, oui. Où donc voilà, on était à 1,9 d'audience, plus personne ne nous écoutait à part notre famille proche, voilà, ma mère écoutait encore, hein. Et ce qui s'est passé, c'est que donc Énergie a racheté RMC, Énergie qui était à l'époque déjà le groupe flamboyant qu'on connaît, hein, et donc je vois arriver un jour donc à RMC le futur patron d'RMC, donc Alain Veil, qui était à l'époque le directeur général d'Énergie. Et qui commence à faire le tour un petit peu des locaux, voir un peu comment ça allait se passer. Très vite, en fait, Énergie s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas racheter RMC. parce que vis-à-vis du CSA, il y avait un seuil de, il dépassait un seuil de concentration des auditeurs. Oui, c'est ça, parce qu'ils avaient déjà 4 radios à leur actif. Voilà. Et en fait, en rajoutant RMC, ils explosaient en fait leur ce fameux quota. Et Jean-Paul Boudreau, qui était le patron d'Énergie à l'époque, s'est dit bah non, finalement, je fais une bêtise, je vais pas racheter RMC, alors que ou alors s'il faut que je rachète RMC, il faut que je me sépare d'une autre radio. Et ça, il n'avait pas envie, parce que c'était des machines à cash à l'époque. Et donc, je pense que Alain Veil, qui était à l'époque le directeur général d'Énergie, a plutôt mal vécu cette période-là, parce que il s'est dit mais comment ça, on me mandate pour que je rachète RMC pour Énergie, et puis finalement, au dernier moment, on me dit même pas au dernier moment, puisque Énergie avait racheté RMC, donc c'était fait. Et Boudreau lui dit maintenant, tu revends RMC. Et en fait, Alain a eu la très bonne idée de se dire je vais racheter RMC. En fait. En quittant Énergie et en fondant Next Radio. En quittant Énergie et en fondant Next Radio, je pense que ça faisait un moment qu'il avait envie de faire ça. Il avait tout le bagage nécessaire pour le faire, parce que à l'époque, c'était déjà un excellent gestionnaire. Et voilà. Donc, on s'est retrouvé dans une situation un peu de flottement. Et puis voilà. Alain est arrivé avec son équipe, Franck Lanoux, qui pendant très longtemps a été le directeur de l'antenne d'RMC, directeur général d'RMC. Et puis voilà. Donc, c'était un peu compliqué au début, parce que on est passé d'un RMC d'un autre âge, on va dire, à un RMC qui était, on va dire, très inspiré des radios US. Avec une mécanique à la énergie et tout ça, ça a été quand même pas mal de perturbations dans la radio, avec un changement aussi éditorial, hein, d'un jour à l'autre, on n'a plus passé de disque, par exemple. Donc c'est quand même pour une radio, c'est un peu violent. Mais finalement, c'était les bons choix. Et quand Alain Veil me dit, François, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez rester? Parce que voilà, en fait, il se trouve qu'à l'époque, j'étais déjà dans la tech et j'avais une émission qui s'appelait De quoi je me mail. Qui était déjà sur l'antenne et qui était quotidienne. J'allais venir justement sur cette émission en vous demandant si c'était votre concept à vous ou si ouais. Oui, c'est mon bébé en fait. Et ça date de 2000. À l'époque, en 2000, c'était le début de l'internet. Il y avait plein de start-up qui se lançaient. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais oui. T'avais plein de start-up qui, en général, finissaient par OU à la fin. Hein, c'était Wanadoo, n'importe quoi. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. AOL. Enfin, Et je me souviens aussi que à cette époque-là, il y avait beaucoup de radios qui s'intéressaient à Internet, qui consacraient des émissions. Il y a eu Europe 2 qui avait fait RadioNet. Il y a eu Zégut sur RTL qui en parlait beaucoup. Ouais. Énergie qui faisait des chroniques autour de ça. Exactement. Et nous, on avait une émission tous les jours qui s'appelait De quoi je me mail. Je pense que cette émission m'a permis de montrer aussi que je savais faire autre chose que de passer des disques. Parce que voilà, j'étais déjà, je prenais beaucoup de plaisir à interviewer les gens, à écouter, à faire des choses comme ça. Et voilà. Et donc Alain m'a dit, si tu veux, tu poursuis l'aventure à Paris. Et donc on est monté à Paris, comme on dit, quand on est à Monaco. Et je suis arrivé à Paris en 2002, janvier 2002, pour les matinales du week-end. En plus de quoi je me mêle. En plus de quoi je me mêle, en effet. Ouais. Et alors, en parallèle à RMC, Je te coupe juste une seconde, parce que tu disais quelle différence entre tous ces RMC. Mais en fait, juste un mot concernant Alain Veil, qui est aujourd'hui est un patron à l'envergure impressionnante, puisque c'est le patron d'SFR aujourd'hui, enfin qui a fait grossir le groupe, le groupe qui a été racheté, enfin Next Radio, qui a été racheté par Patrick Drahi, etc. Mais il est toujours là, toujours à l'écoute de ses collaborateurs, et toujours, il connaît la grille par cœur, il sait qui fait quoi, etc. Alain Veil est un, enfin, je pense que c'est, si RMC aujourd'hui existe encore, ce n'est que grâce à lui, et à ses collaborateurs, Franck Lanoux, etc. Et d'ailleurs, Franck Lanoux qui a écrit un livre très intéressant que j'ai pas encore dévoré, mais j'ai lu des extraits, La deuxième vie de RMC, où il raconte vraiment en détail cette période. Oui, bien sûr. Je vous le conseille. Parce que quand on était à 1.9 d'audience nationale, on était moribond. On nous comparait souvent à l'époque au France Soir de la radio. Ce qui n'était pas forcément un super compliment, quoi. Et puis, maintenant, on est aux alentours des 8 points d'audience. Donc, c'est quand même une belle réussite. Et alors, en plus de quoi je me mêle, et en plus des Matins des Experts, chaque été sur RMC, on vous retrouve aussi pour un moment que j'aime beaucoup, c'est le Grand Rush. Oui. Alors cette idée, comment elle est venue ? Mais en fait, encore une fois, je pense que il y a que RMC qu'on peut imaginer un concept comme ça. Sincèrement, et je dis pas ça par flagornerie ou quoi, parce que si vous voulez, moi ce qui me plaît dans cette boîte, c'est que on vous dit, enfin déjà la hiérarchie est très courte. Et quand vous dites j'ai envie de faire ça, on vous dit oui ou non, mais et on passe à autre chose quoi. Et moi quand j'ai proposé le Grand Rush et que j'ai dit à Franck Lanoux, j'aimerais bien faire une émission pour accompagner les gens sur la route des vacances, etc. Parce que RMC a malgré tout toujours une espèce de comment dire une bienveillance sur les vacances et tout, parce qu'on voilà, on est une radio qui a ses racines dans le sud, et quand on part en vacances, on aime bien peut-être avoir une radio qui accompagne en fait les gens qui prennent la route, etc. Et donc j'avais inventé le Grand Rush, et on s'est retrouvé dans son bureau, et je lui ai dit tu sais quoi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission qui dure 24 heures. Et là il m'a regardé, il m'a dit mais t'es fou quoi, comment on va faire? Il appelle Alain Veille, et Alain dit si la DRH dit ok, moi ça me va, je trouve que c'est une bonne idée. Et puis la DRH dit oui, et puis voilà. Donc c'est on comme a fait 24 heures d'antenne. C'est ça, chaque année donc. Mais j'ai fait même plus, hein. Je crois qu'on a fait une année 30 et quelques heures. Ah, parce qu'il y avait pas de match le soir. Non, c'est pas parce qu'il y avait pas de match le soir, c'est que en fait la période qui est donnée par Bison Futé des embouteillages était beaucoup plus longue en fait. Il y avait une espèce de tunnel qui durait 30 et quelques heures où on était susceptible d'être vraiment dans les embouteillages. C'était une journée noire et on s'est dit bon allez d'accord, on y va. Et en fait le concept du Grand Rush c'est ça, c'est le fait de dire voilà, nous on est comme vous, on est assis, nous on a un micro, vous avez un volant et on vous accompagne durant durant tout votre trajet. Alors comment ça se prépare 24 heures de direct non-stop, parce que c'est RMC donc il n'y a pas de disque, pas de pause, donc le seul répit en fait c'est la pub. Ouais. À chaque fois j'essaie de passer des disques mais ils veulent pas. Donc, non, je plaisante. Mais en fait c'est je pense que je prends un tel plaisir à faire cette émission que je me sens galvanisé et hyper motivé à le faire. Donc comme en plus c'est moi qui l'ai proposé, je vais pas maintenant renier mon bébé en quelque sorte, mais voilà, donc je me prépare un peu avant, je pars en vacances quelques jours avant, je repars en vacances après parce qu'en plus ça tombe bien, c'est juste au mois d'août, donc oui. on peut tous partir en vacances, donc je me repose un petit peu avant et puis voilà, l'heure arrive et on attaque nos 24 heures. Je suis pas tout seul, hein, oui, j'ai un médecin avec moi, voilà, il y a Christian Ricca. Des chroniqueurs, enfin c'est toute une machine, hein, le Grand Rush. Il y a beaucoup de pigistes, enfin il y a beaucoup de journalistes qui viennent, qui sont sur les points névralgiques, dans les aéroports, sur les autoroutes, etc. Donc c'est voilà, mais je suis très content d'être un peu le chef de garde de cette émission. Et alors c'est rigolo parce que les gens s'en souviennent sont très fidèles à ce rendez-vous. Oui, c'est pourtant une fois par an, hein. Oui. Mais pourtant, alors en plus 24 heures de direct, ça donne souvent de très gros moments de radio. J'en ai lu quelques-uns qui valent leur pesant. C'est vrai. Notamment un micro tendu à l'homme de ménage de la radio. Il y a eu quelques minutes faites à l'extérieur, près du périph. On a fait des trucs un peu bizarres. Et deux animateurs concurrents qui peuvent passer faire un petit coucou comme Manu Lévy l'an dernier. C'était un bon moment. Aussi. Là encore, il n'y a aucune pression, on n'est pas dans une logique, on est dans une logique où on passe un bon moment et on fait participer les auditeurs parce que c'est une émission où avant tout les auditeurs participent beaucoup. Ils ont la parole, ils peuvent nous expliquer comment se passent leurs vacances, s'ils sont dans les embouteillages, ils peuvent nous raconter comment est l'ambiance dans la voiture, etc. Ça crée des liens et franchement, c'est une super expérience. Voilà. Et puis 24 heures de radio, on s'en souvient parce que on vit tout, on vit des moments où on est hyper heureux, il y a des moments où on est un peu plus fatigué, et ça crée des liens très forts. C'est très sympa. On va faire une deuxième pause musicale, François Sorel. Deuxième choix, c'est Michael Jackson. Oui, avec Human Nature. Ouais, alors non, mais juste un mot sur Michael Jackson parce que c'est vrai que je crois que mon premier album acheté c'était Thriller. À l'époque j'avais un petit Walkman, donc même pas CD, hein, c'était la cassette. On était en 82 je pense. L'album Thriller est sorti 82-83 et j'avais acheté cet album. C'était mon premier album. J'avais dépensé beaucoup d'argent parce que ça coûtait cher, etc. J'avais acheté la cassette et je me souviens très bien de ce moment-là. Et j'étais fasciné par cet album. Et je le suis toujours, je l'écoute toujours autant. Et j'adore cette chanson, en plus. Michael Jackson, qu'on ne passera pas en entier parce qu'on est très pris par le temps, François Sorel. En tout cas, Human Nature, c'était votre choix dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante. Et comme Adèle, ça fait du bien aussi. Oui, oui, oui, c'est bien. Alors, ça fait 10 ans que Michael Jackson nous a quittés déjà. Bientôt 10 ans. C'est incroyable, ouais. Je me souviens très bien de ce jour où on apprend la mort de Michael Jackson. Franchement, moi, ça a été pour beaucoup de monde une espèce de séisme. Bah, je pense qu'on se souvient tous de ce qu'on faisait et où on était à ce moment-là. Exactement. Et moi, je me souviens très bien, j'étais à Los Angeles, j'étais pour le travail là-bas. Et j'étais mais vraiment scotché et ça m'a fait beaucoup de peine et tout ce qui arrive maintenant là sur Michael Jackson avec toutes ces accusations de pédophilie qui reviennent qui sont peut-être légitimes mais c'est vrai que 10 ans après sa mort je crois que c'est un peu compliqué quand même de revenir là-dessus avec des documentaires qui sont parfois c'est pas juste le mot que je voulais dire c'est très tendancieux, en quelque sorte. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent derrière tout ça. Et voilà, qu'on lui foute la paix. Voilà. Qu'on s'en souvienne, surtout, pour ce qu'ils nous ont apporté en matière d'art. Je pense. En tout cas, ça reste un vaste débat. Autre débat, pour revenir dans le sujet de la radio, François, alors je sais que vous êtes un grand geek en matière de high-tech. Vous nous trouvez avec De quoi je me mêle notamment. Mais moi, je voudrais avoir votre point de vue sur sur le devenir de la radio et notamment le DAB+, donc la radio numérique qui est en plein chantier en France en ce moment. Alors, Fréquence Protestante fait partie des radios qui diffusent déjà actuellement sur Paris. Et aux dernières nouvelles, tous les réseaux nationaux, dont RMC et BFM, donc votre groupe, sont désormais de la partie. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez et quel verdict vous en faites du DAB+ actuellement ? Bah, moi, je pense que tout ce qui est bon pour la radio, tout ce qui permet de faire rayonner la radio est bon, déjà. Voilà. Donc, le fait que on se dise il y a un nouveau vecteur de diffusion pour la radio qui est plus moderne que la FM, banco, allons-y, c'est chouette. Et puis, le DAB va permettre à des radios comme la vôtre d'avoir une audience plus importante et puis surtout une couverture plus importante, hein. Ça va être le cas aussi pour RMC parce que en fait le DAB permet d'un seul d'avoir une couverture vraiment nationale. Il faut savoir que RMC est encore une radio qui n'a pas de fréquence par exemple à Strasbourg. Voilà. Oui. Et il y a plein de grandes villes de France où il n'y a pas RMC. Alors aujourd'hui, c'est vrai que grâce à la 4G, au web, etc. Et aux grandes ondes pour les anciens. Et aux applis, et aux grandes ondes pour les anciens. On l'oublie un peu, hein, oui, mais ça existe toujours. Mais c'est vrai, bien sûr. Et on salue, enfin, moi je salue beaucoup, très souvent, les auditeurs qu'on a de l'autre côté de la Méditerranée, hein, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie. On capte très bien RMC en grandes ondes là-bas. Et puis même au sud de l'Espagne. Voilà. Et on sait qu'ils sont nombreux, donc c'est vrai que les grandes ondes, ça sert à quelque chose. Mais pour revenir au DAB, ça va nous permettre, en fait, d'être disponible partout, et avec une qualité de son, alors qui est discutable, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que il n'y aura plus de souffle, tout est numérique, hein, ça sera un peu comme le CD. Oui, on perdra le charme du petit brouillage par-dessus, mais qui ça brouille, mais ça reste acceptable. Ouais. Alors que là, avec le numérique, oui, bon. On se retrouve avec un son nickel. Bon, on a un peu l'habitude maintenant de l'écouter que ce son-là avec le web. Oui. Mais voilà, après je sais pas, il va falloir voir si tout ça est bien compressé, bien encodé, parce que la FM en fait a une excellente qualité sonore, hein, quand on la reçoit bien, et il faut que le DAB permette d'avoir au moins cette même qualité, voire supérieure. Il faut pas que le son soit trop compressé. Oui, en tout cas c'est une expérience intéressante qui est en train de se développer, oui, DAB+, donc c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de très très près. Et puis bientôt toutes les voitures, tous les postes de radio seront équipés, enfin voilà, on passe à une nouvelle ère de la radio. Oui. Et alors, ça, c'est bien. Alors, très rapidement, avant de passer à la partie questions, toujours dans le futur de la radio, il y a aussi le podcast qui se développe de plus en plus avec les smartphones. Il y a une grande quantité de podcasts natifs qui se créent sur Internet. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la radio ou plutôt une nouvelle manière d'en faire sans avoir les contraintes qu'impose une diffusion linéaire ? Je prends par exemple De quoi je me mêle, donc qui n'est plus dans la grille de RMC, mais qui existe toujours et qu'on écoute uniquement sur Internet. Oui, qui existe d'ailleurs en audio et en vidéo maintenant, hein, puisque en fait on l'a, c'est une émission qu'on tourne aussi en vidéo. Je pense que le podcast c'est formidable. Ça permet, en fait, ça me fait penser un peu aux radios associatives de l'époque. On avait des émissions qui étaient hyper pointues. Moi, je me souviens, il y avait des radios à Marseille où on avait des émissions hyper pointues sur des sujets. Voilà, le mec était fan de modélisme. Bon, ben voilà, comme de toute façon, la grille, il fallait la remplir. Il avait une heure de modélisme toutes les semaines. Aujourd'hui, les radios se sont structurées. C'est devenu une industrie, un commerce. Et donc, comme il y a la rentabilité qui rentre en jeu, on n'a plus forcément ces émissions qui vont toucher des niches et qui ne sont pas forcément rentables, mais voilà, qui doivent exister. Et je pense que le podcast, justement, pallie à ça. Et aujourd'hui, on a des émissions passionnantes sur plein de sujets. Et c'est ça que je trouve génial. Et ça permet à quiconque, avec un micro et avec un PC, de faire son émission. François Sorel dans la mécanique des ondes, très très bavard, mais moi j'aime bien les invités bavards. Le problème c'est que nous on n'est pas un podcast, donc on n'a plus beaucoup de temps maintenant. C'est mon métier, hein. Surtout que comme il n'y a plus de disques maintenant, je suis obligé de parler tout le temps. Du coup, il va falloir faire très très vite maintenant pour les parties questions. On va commencer par la question de l'invité précédent, Jean-Michel Canitro, attaché de presse, ancien animateur dans les années 80, on l'écoute. François, je voulais savoir si vous, dans votre esprit, vous voyez les métiers de la radio évoluer par non seulement la radio, mais aussi de plus en plus une emprise de la télévision sur vos émissions? Ben ça, c'est un vrai débat. C'est le débat que nous, on a initié à RMC. Beaucoup d'émissions de radio d'RMC sont filmées maintenant, même diffusées sur la TNT. On prend les GG, on prend Bourdin le matin, oui, etc. Il se peut que les émissions du week-end que je fais passent bientôt à la télé aussi. Et c'est vrai que ça change pas mal de choses. Je trouve que c'est à la fois passionnant, c'est un peu stressant aussi parce qu'on se dit finalement notre métier change, mais je pense qu'il faut aller de l'avant, c'est le sens de l'histoire. Hein. La radio et la télé sont intimement liées et je pense que c'est plutôt bien. Tant que ça reste aussi de la radio avant tout. Oui, ça reste de la radio. On va terminer avec le questionnaire rapide, mais alors très très très rapide, François, vous êtes prêt? Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Une personnalité de la radio qui peut être mon modèle, Jean-Pierre Foucault. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Quelle radio résumerait mon enfance et mon adolescence? RMC. Quelle radio vous réveille le matin? Quelle radio me réveille le matin? J'écoute pas la radio le matin. J'écoute Spotify. Excusez-moi. Pas de souci. Quelle radio vous endort le soir? Quelle radio m'endort le soir? C'est la télé qui m'endort le soir, c'est pas la radio. La radio, je l'écoute dans la voiture, en fait. Ah bah, vous prenez de l'avance sur la question suivante. C'est un endroit où vous écoutez toujours la radio, donc du coup, j'enchaîne. Ça nous fait gagner du temps ou pas? C'est ça. Mais voilà. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais, la radio? Un endroit où j'écoute jamais la radio, bah, quand je suis à l'antenne. Ou devant la télé. Ou devant la télé, votre, ouais, meilleur souvenir de radio? Oh, ça c'est dur ça. En quelques secondes, mon meilleur souvenir de radio? Premier, en tête, là, comme ça. Oh, je pense que c'est le Grand Rush, parce que c'est vraiment vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Faire 24 heures ou voire même 30 heures d'antenne, ça laisse des souvenirs, vraiment. Et le pire souvenir? Le pire souvenir de radio, le pire souvenir de radio, j'étais à l'antenne lorsqu'il y avait eu l'effondrement de la tribune à Furiani, à Bastia, pendant un match. Et c'était effrayant parce que on avait un journaliste sportif d'RMC qui était un ami, qui était sur la tribune, qui s'effondrait. Et on a vécu ça en direct, à l'antenne. On savait pas ce qui se passait parce que à l'époque il y avait la télé, mais c'était pas filmé comme il fallait et tout ça. On a vite compris qu'il y avait eu un gros problème. Et ça, c'était un moment horrible, en fait, parce qu'on n'avait plus de nouvelles de lui. Et en fait, il a été très très touché et très blessé par cet accident. Imaginez, hein, vous avez une tribune entière qui s'effondre. Oui. Ça avait été horrible. Et enfin, rapidement, très rapidement, un conseil qu'il faudrait donner à quelqu'un qui veut faire de la radio. C'est franchement, le conseil, c'est si on adore ça, il faut être vraiment passionné, ne jamais lâcher. Voilà. Un jour ou l'autre, le destin vous tendra la main et voilà. Ne pas lâcher et travailler. Le message est passé. Donc, travaillons et ne lâchons rien. Merci François Sorel d'être venu partager ces quelques moments de radio avec nous. Et n'oubliez pas, l'émission est à retrouver en podcast sur fréquenceprotestante.com et sur les réseaux sociaux de la mécanique des ondes également. Nous nous retrouvons le mois prochain avec un nouvel invité radiophonique.